des grandes aventures qui traversent ma vie, qui se terminent toujours par c'est fini. Comme dans les livres de voyage des gosses, bon, si j'ai peur de la fécabosse. Dans ma chambre je collectionne des bouteilles vides, je voyage tout entouré par des sylphides. Alice m'écrit des lettres du pays des merveilles, si j'avais eu le fric je serais parti avec elle. Je suis la bibliothèque, oh oh oh oh. C'est elle qui se secoue pour dénicher la poudre. On s'envole, c'est comme un coup de foudre. Depuis que Cendrillon s'est trouvé un mec bien, elle habite un pavillon avec des copains. Elle m'a refilé une adresse pour faire des ménages, avec une piole qu'elle avait au sixième étage. Je suis la bibliothèque, oh, oh, oh, oh. Transformer mes rêves en réalité. Je peux aussi mes heures de gloire, pouvoir écrire mes mémoires, m'endormir sur un livre inachevé. Qui traverse ma vie, qui se termine toujours par c'est fini. Comme dans les livres de voyage des gosses, moi aussi j'ai peur de la fécabosse. Dans ma chambre je collectionne des bouteilles vides, je voyage dedans entouré par des sylphides. Alice m'écrit des lettres du pays des merveilles, si j'avais eu le fric je serais parti